il oblige Crassus et Pompée à demander le consulat dans son intérêt. Sa conduite coupable en Gaule. Mais Lucius Domitius, qui aspirait au consulat, s'est vanté publiquement d'accomplir comme consul ce qu'il n'avait pu faire comme préteur et d'ôter en outre à César l'armée qu'il commandait. Celui-ci fit venir Crassus et Pompée à Lucques, ville de sa province, et il les contraignit de demander aussi le consulat pour en écarter Domitius et faire ensuite proroger son commandement pour 5 ans, ce qui fut exécuté. Rassuré de ce côté, il ajouta d'autres légions à celles qu'il avait reçues de la République, et il les entretint à ses frais. Il en forma même dans la Gaule transalpine une dernière à laquelle il fit prendre le nom gaulois d'Aloda, qu'il sut former à la discipline des Romains, qu'il arma et habilla comme eux, et que dans la suite il gratifia tout entière du droit de cité. Il ne laissa désormais aucune occasion de faire la guerre. Fut cette guerre injuste et périlleuse, il attaqua indistinctement et les peuples alliés et les nations ennemies ou sauvages, à tel point que sa conduite fit prendre un jour au Sénat la résolution d'envoyer des commissaires dans les Gaules pour informer sur l'état de cette province. Quelques sénateurs proposèrent même de le livrer aux ennemis. Mais le succès de ces entreprises lui fit, au contraire, décerner de solennelles actions, de grâces, plus longues et plus fréquentes qu'à aucun autre avant lui.